regardez ça, ben moi je trouve que je suis au tout début d'une réflexion autour de ça. Je ne vais pas dire un moudre, on a mais en même temps plus ou moins associé à un PEPS là, pour lequel on n'a toujours pas le résultat, et on ne sait pas si on va être pris ou pas, voilà. Alors ça peut être intéressant de développer un peu les énergies de base, mais ça sera forcément par mon niveau d'intérêt que. Mais en même temps, moi j'ai trouvé, parce qu'avec le projet, quand on parlait, c'était un peu le fil sur cet apprentissage de développer, bon, ben, comment ça, on était un peu au même niveau en quelque sorte. Enfin, c'était une idée de recherche sur laquelle j'avais travaillé un peu avec Laurent Ménès, avec une idée derrière l'autre. Et c'est vrai aussi que de façon. Ben, c'est bien entendu, ça a permis aussi d'affiner la réponse à la belle offre. Enfin, donc c'était vraiment au début, là, on n'avait vraiment pas de pas du tout dans le même type de notion qu'ici. Et justement, moi j'ai trouvé intéressant dans ce type de séminaire qui a l'occasion de faire un peu les deux et justement de profiter du fait qu'il y a d'autres gens qui sont intéressés par ce que tu dis, qui veulent bien en parler et qui peuvent aussi aider à mettre en place. Ben, parce que c'est quelque chose qui, justement, si on veut je sais pas, pour qu'il y ait des deux, je pense aussi qu'on parle parfois ensemble sur des nouveaux projets, et c'est ça aussi qui donnera forme à l'axe. Donc justement, ça m'intéresse très bien que dire, bon, moi j'ai ces idées-là autour de des contradictions, mais vraiment après, je sais pas quoi, et qu'on parle de ça, quoi. Enfin, je pense que justement, oui, c'est le lieu qui c'est nécessairement dans la même forme. Non, dire que c'est le type. Là, quand même, on est dans les couples, donc on est dans ouais. On réagit partout, c'est aussi tout ça. Alors que dans une démarche exploratoire, on va livrer nos doutes, on va livrer nous-mêmes nos grandes questions, etc. Évidemment, on n'est pas dans le même dialogue. Je disais, tu vois, c'est tout. C'est simplement ça que je veux dire. Déjà, moi, je trouve que, moi, deux résultats. Premier résultat, je me sens capable, Aurélie, vous pouvez dire peut-être parce que j'ai fait 4 séances, je crois. Donc, peut-être qu'il m'a manqué. Non, c'est les 4. Voilà, en tout cas, merci d'avoir fait forcément un cas. Déjà, chacun d'entre nous, si on le demande au niveau de l'UMR, d'ailleurs, etc., sur quoi on travaille, et là, on peut dire, ben voilà, on va aller là-dessus, et ouais. Dire trois mots. Ce qui n'était pas forcément le cas, il y a encore nous deux. Bon. Donc ça, c'est tout bête, mais en fait, c'est déjà pas mal. Bon, moi, ce qui me frappe quand même, de tout ce que j'ai entendu, toi, Laurence, donc Roloff, puis nous aujourd'hui, on s'était bien jeté bien le cas. Je pense que tu n'étais pas là, mais tu es parfaitement ce dont sur quoi je veux. Oui, non, je n'étais pas là, mais exactement, je n'étais pas là, mais c'est pas vrai. Non, mais ce qui me frappe quand même, c'est que c'est la recherche de qualité. Que moi, je commence à sortir un peu du truc, je commence à comparer, je commence à voir. C'est quand même tout ça, c'est de la recherche assez bon niveau quand même, hein, vraiment même de très bon niveau. Moi je le prends comme un résultat, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel qui est quand même assez solide, quoi. Il n'y a pas de problème à avoir. Après, moi j'ai trouvé que c'était très intéressant de pouvoir discuter des projets de maman, parce que je trouve que c'est vachement important, même avant parfois qu'on comprenne vraiment un truc, même encore plus en amont de dire j'ai trois idées, etc. Et les réactions des uns et des autres aussi permettent de savoir si finalement il y en a qu'on peut remarquer ou pas. On n'arrivera de toute façon jamais, enfin moi c'est ma conviction personnelle, dans un institut d'urbanisme, à faire travailler tout le monde ensemble au même moment sur la même chose, parce que c'est structurellement impossible, compte tenu du fait qu'on est structurellement tous spécialistes de choses différentes pour pouvoir apporter ça à l'enseignement. Moi c'est basique. Mais par contre, on peut quand même avoir ce exercice de mise en commun en soi. Il n'y a pas tellement de. Je ne suis pas sûr que ça existe tant que ça. Enfin, comme beaucoup de dispositifs de recherche sont maintenant à des niveaux beaucoup plus globaux, ça se pratique assez peu. Je peux dire très simplement que là où je vais, je me suis rendu compte qu'en fait, personne ne sait sur qui on travaille. Oui, c'est assez typique des instituts d'urbanisme. Hein. À une ou deux exceptions près, genre Brest, où ils couchent tous ensemble, enfin, je veux dire, ils sont tellement incestes avec le père, le moutou, que tout le monde sait sur quoi ils travaillent. Bon, moi, l'image est peut-être un peu forcée, mais on va dire que c'est vraiment des équipes comme ça, complètement soudées, mais autrement, partout. justement cette remarque conduit à une question prospective sur, mettons qu'on maintienne le principe de quelques interventions comme ça dans l'année, dans l'année 4, on peut dire que l'année prochaine, dans les 4 ou 5, ça dépend un petit peu de l'avancement par exemple de votre recherche, ou de l'avancement de la mienne, ou de nouveaux doctorants, ou éventuellement de syphilis, de l'exemple, etc. Bon. La question est de savoir, est-ce que on souhaite élargir un tout petit peu le cercle vers des personnes qui ne sont pas de la vie de l'Ouest, mais qui par contre sont au sein de notre MMR ou éventuellement juste à côté potentiellement intéressés par les mêmes thématiques, et par exemple cette espèce de côté des contradictions du développement durable. Est-ce que vous, bon, les participants, vous souhaitez qu'on fasse des démarches pour mettre ça en place? Moi, je pense qu'il faudrait les deux. C'est-à-dire qu'il faut qu'on garde un entre nous pour les chantiers. Les chantiers, tous entre nous, parce qu'on ne dit pas la même chose s'il y a. Pour le chantier, il faut que ça reste entre nous. Par contre, ce qu'on pourrait imaginer, c'est pour ce qui est. Alors, je prends l'exemple de la plateforme, on va dire, effectivement, il faut que la thèse de Cécile est finie, le programme est fini, quoi, puis les résultats, ils sont là, etc. Ça aurait peut-être le coup de donner une surface au niveau du MR. Oui, c'est une valorisation en fait. Oui. En même temps, en fonction du sujet, ça peut quand même être intéressant de. Enfin, c'est un peu délicat après, c'est une vie pour quel truc. Mais il n'y aura pas des gens dans l'UMR, sans doute, qui peuvent être intéressés pour tel ou tel sujet, qui peuvent intervenir en parlant de la table, mais si on parle de. Donc, moi, ça ne me gênerait pas qu'il y ait d'autres personnes en même temps. Donc, je pense que ça reste. Groupe, un groupe, pas de force dans le séminaire, je pense, c'est qu'il y a énormément de complet, on se connaît assez bien et on peut facilement se connaître. Un début du séminaire au démarrage, c'était finalement, on est peut-être fait aujourd'hui, mais enfin, c'était aussi intégrer Laurence. Mais voilà, qu'elle sache qu'elle fait et qu'on sache ce qu'on fait. Ça peut continuer, parce qu'on n'a pas continué sur ce monde. Donc, je pense qu'il y a potentiellement, il y a plein de gens qui font plein de choses, il y en a qui font des choses qui ne sont pas forcément très loin, qui n'auraient pas forcément envie de... Nous, on peut faire un affichage un peu plus ouvert, quitte même parfois à solliciter des personnes si on trouve que le sujet est là, mais donc sans vouloir lui donner nécessairement une coloration inter-UMR. Non, enfin, je pense que c'est un peu le séminaire de l'Axe. Donc, la force est qu'on peut valoriser mieux le résultat du séminaire. C'est-à-dire qu'on a bien tout le travail qui est fait sur le blog et tout ça, que ça soit un peu plus lisible que ça. Mais on peut le faire. Donc, jusqu'à présent, on était resté sur l'idée que bon, des traits intermédiaires, etc. C'est pour ça qu'on n'avait pas valorisé. Rien n'est plus facile que de dire, de mettre un lien sur la tête de l'UMR, un QRSS, et que ça soit publié. C'est aussi une idée de l'UMR, une page sur l'accès où on met certaines choses qui passent ici. Car moi je peux te filer la présentation d'aujourd'hui. Ce qui était ce qu'on a fait deux trois fois, c'est de. Laurence a fait par exemple la dernière fois, c'est qu'elle a fait une communication à Brest qui était un pas en avant de ce qu'elle avait présenté. Je l'ai mis aussi. Moi ce que je peux très facilement suivre de lui, c'est des PowerPoint, mais on peut aussi afficher des textes. Hein, l'idéal, à mon avis, est de mettre les textes dans HAL et de faire des liens entre deux HAL, mais c'est très facile à faire. Il y a des textes qu'on pourrait mettre, mais sans les mettre forcément dans HAL, mais par contre, pour toi, c'est quand même sous-cas, j'en sais, mais... En fait, les réponses aux appels d'offres ont été... La réponse à Glasgow d'un côté, la réponse à... Mais donc, du coup, c'est quand même plutôt... C'est pas quelque chose... Je ne sais pas quelle version j'ai, parce qu'il y a eu plusieurs. Si, parce que. Parce que j'ai récupéré tous les documents de la plateforme, en fait. Et tous les documents de la plateforme, il y a forcément. Même si je vais faire sur la plateforme. Ça je vais voir, je pense qu'il y a une possibilité de mettre des. Ce qui est de sur le texte, comme ça, ça ne posera pas de problème pour le stocker à ce moment-là. Je veux dire, moi, je demanderai d'ailleurs à Gilbert, pour aller sur le site de l'UMR, je verrai qu'un lien à partir de son blog que j'ai mis en place, pas de problème. Ton blog est référencé là, sur le site de l'UMR ou pas encore? Celui-là, là, non, jusqu'à présent, je ne l'ai pas référencé, mais je peux très facilement le référencer, d'abord le mettre sur le site de l'UMR, et deuxièmement, il n'est pas référencé par les autres recherches. Si vous le voulez, on peut le l'ouvrir. Hein. Est-ce qu'il a un nom? Enfin, je veux dire, son nom, c'est... Il s'appelle... VSIUR. Est-ce qu'il vous a un nom? Moi, je trouve que c'est pas mal. Moi, je trouve que dans la mesure où il se va imprimer en ligne, finalement, des choses qui sont des résultats, qu'on vient à l'esquive, partout, c'est tout ça, je trouve que c'est bien. C'est bon, mais je vais essayer, parce que parfois aussi, quand même, des idées... Qui sont pas... Je pense aux présentations que j'ai faites, c'était avec sur le blog, et très bien, en même temps, c'est des idées... Non, mais bon, le principe d'un blog, c'est que c'est du working class, parce que c'est aussi... Est-ce que tu voudrais pas essayer de repliquer, c'est ça? Non, ça, je pense pas. Je sais ce que c'est, parce que c'est ça, j'ai déjà le problème. Mais l'idée plutôt, est-ce qu'à l'apportement, si on s'affiche, du coup, après, c'est... Oui, parce que c'est document de travail. Quoi. Voilà, quand les gens sont vivants, on va voir ce qui se fait à nous. Bon, de l'autre côté, il m'a bien conscient que même si c'est moins cher d'avoir Google, c'est... Ça, t'as manqué une publication de la science publique, parce que quand on de demande à... C'est le titre de l'axe et tout, donc... à mon avis, ça, le fait que je sois disponible sur Internet ne veut pas dire qu'on va avoir des experts. Hein. Je regarde, je suis derrière. Si vous voulez vraiment lui donner une visibilité, vous allez aller sur un truc genre hypothèse.org ou ce genre de choses. Non, pas la même visibilité, mais je veux que ce soit dans une visibilité, dans une même économie. Dans le même, on voit très bien. Ouais, hein, dans le même. D'accord. Je peux le faire facilement. Je vais quand même essayer de prendre des éléments de synthèse à partir.